Amor, c'est pas facile. تعيب سيريوزا ويش نهار دلالي وين تولي بيسيوزا. Amor, c'est pas facile. تعيب سيريوزا ويش نهار دلالي وين تولي بيسيوزا. L'amour c'est pas facile, hey, mais sérieux, hein? I wish in heart and lily, we could live it, sérieux, hein? L'amour c'est pas facile, تعيب ما سيريوزا ويش نهار دلالي وين تولي بيسيوزا. La fille d'aujourd'hui, qu'il t'a mis de ouïa, j'ai dit lui que chouïa, ne fit pas de ouïa. La fille d'aujourd'hui, qu'il t'a mis de ouïa, j'ai dit lui que chouïa, ne fit pas de ouïa. L'amour c'est pas facile, t'as y mis sérieux. Hard lily, we do live in Syria. Yeah.